moi. Pauline, est-ce que je dois m'y prendre comme ça? Pauline, trouves-tu que ma chambre est sale? Pauline, aimes-tu mes habits et mes poils? Donne-moi des conseils, les meilleurs et les pires. Moi je veux apprendre à séduire. Et un jour, Tony.